L'émission Hors-jeu vous est présentée par ledanslescoulisses.com. Ledanslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, ledanslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans Hors-jeu. On est en sac... fâché, pas content. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Godbout! Salut, puis moi je vais le dire, on est en sacrement, ok? Pourquoi? Ben, si vous le savez pas, qu'est-ce que vous faites écouter? Vous devriez le savoir, le Canadien est éliminé. Et là, ben au moment qu'on enregistre, on est le 13 mai, donc au lendemain de cette défaite cuisante 4-1. Le Lightning de Tampa Bay qui a éliminé le Canadien de Montréal en 6 matchs. On est en pas content, on est en fâché, on est en colère et on va en parler en long et en large. Mais avant, je vais juste commencer en disant, Jerry, tu avais prédit que le Canadien allait gagner en 7 et moi j'avais prédit que le Canadien allait perdre en 7. Ils ont perdu en 6, donc j'étais pas si loin que ça et on n'était pas loin de la limite des 7 matchs. On peut pas dire que le Canadien s'est fait bouffer tout rond. J'essaie d'être positif. Ouais, j'essaie. Okay. Parce que pas bouffer tout rond. Le dernier match, ça ressemblait à ça. on était un May West, puis le Lightning aime ça, les May West. Ah ouais? OK. Bon, t'as de la colère dans ton petit cœur, mon Jerry. Vas-y, je te laisse aller. Là. Je pensais te contrôler, mais non. Je te laisse aller. Vas-y, puis on va partir de là. Ben, en fait, tout commence avec le début de la série. En partant, le premier match, il y avait hors-jeu. Là, je le sais que l'arbitre l'a pas vu. Je le sais que c'est fait, c'est loin. Mais imagine si ce match-là, parce que je sais pas qui c'est qui aurait gagné, on s'entend, là, ça aurait pu être carrément Lightning aussi, là, mais drette-là, peut-être qu'on aurait gagné. Fait que ça aurait fait 1-0. Le deuxième match, fine, je le laisse à Tampa Bay, ils l'ont gagné. Ben en fait, on les a donné avec les nombreuses pénalités. Là. J'étais au Centre Bell puis c'était pas beau à voir. Là. Le Canadien, là, il y avait une couple de regards de biche apeurée là, sur le bord de l'autoroute quand il y a un truc de 18 roues qui lui fonce dedans. Là. C'était pas beau à voir. Il y a des fils qui se sont touchés. Le troisième match, c'est là que je commence à moins aimer Plekanec. C'est pas le meilleur. C'est pas un très bon joueur des séries. Là, je sais qu'il y en a sûrement certains qui vont sortir. Ouais, mais il y a beaucoup de stats. Il y a beaucoup de points comparé au match de joueurs. Je m'en sac. Ok, juste pour être clair, là, Plekanec est sixième pointeur du Canadien de Montréal à égalité avec Galchenyuk et Prost et est devancé par Torrey Mitchell et Tom Gilbert. Et si, bon, là, tu donnes des nouveaux arguments. Là. Ça dit tout, là. Tu sais, là, à un moment donné, là, je veux bien là, que Thomas Plekanec, on l'aime, là. Il est fin, il est beau, puis il porte des cols roulés. Mais en série, c'est pas sa force, là. Soyons francs, là. Il y a un but en 12 matchs. Ah non, c'est vraiment. En tout cas, c'est malheureux, pour vrai. Mais c'est surtout sa nonchalance. Il est pas sorti de la ligne rouge pour faire un petit dégagement. Dis-toi que le dégagement nous donnait facile de 2 à 3 secondes de plus. Puis ça a juste pris un but à la dernière seconde pour perdre ce match-là. Encore une fois, je ne sais pas si le Canadien aurait gagné, parce que ça aurait été en prolongation. Lightning aurait pu aussi bien la gagner. Mais on aurait pu la gagner aussi. Là, ça aurait été 2-1 si le Canadien aurait gagné les deux matchs qu'ils ont laissé aller. Le match numéro 4... Bon, ben là, lui, on l'a gagné d'une victoire assez... je pense que c'est elle que t'aurais aimé te voir au Centre Bell, toi. Ouais, j'aurais préféré celle-là, mais en même temps, écoute, ça fait partie de la... ça fait partie du risque. Ça arrive, là, des choses comme ça. Puis de toute façon, cette victoire-là était à Tampa Bay, donc vengeance envers les partisans. On a vécu une dégelée, vous n'avez vécu une. C'est fair. Ouais, vu de même. Puis le cinquième match aussi qu'on a gagné. Là, c'est là que l'espoir était... hey, on peut peut-être gagner cette série-là. Bon, on était un petit peu aidé par les médias traditionnels. qui nous poussait de l'espoir dans le fond de la gorge. J'y croyais, mais j'avais une petite peur. Et bon, la peur s'est concrétisée, mettons. Le dernier match, le match où ce que les Canadiens s'est fait éliminer, c'était assez désagréable et je t'envie d'avoir été dans ton cours pendant ce match-là. Parce que t'as absolument rien manqué. Pour vrai, là, c'était désagréable à voir et j'ai regardé ce supplice-là jusqu'à la fin. Ah, mais je suis venu te rejoindre. Ben, en fait, virtuellement, là. J'étais tout seul dans la cafétéria avec mon portable, j'attendais. Puis là, ben, quand le quatrième but s'est marqué, j'ai fait comme... Bon, ben, écoute, il y a comme plus d'espoir parce que à 7 minutes, c'est ça, 7 ou 6 minutes de la fin de la partie, Pacioretty marque. Là, c'est 3-1. Tu te dis, ah, OK. Et là, ben, changement de trio, c'est Galchenyuk et Heller qui sont sur la glace, puis manque de cohésion. Il a envoyé à Pucks n'importe où, puis ben, facilement, c'est Kucherov qui a marqué, donc c'était terminé, là. Ça venait de se terminer, ce beau rêve-là. Ouais, c'est ça. J'ai adoré ce soupir. Mais en fait, en plus, cette victoire-là du Lightning a été gracieusement offerte par Tomáš Plekanec. Bon, OK, il n'y a pas juste lui, là, mais mettons que lui, j'ai eu de la misère avec. Premièrement, sur le premier but. Pour ceux qui ont gardé la partie, je ne sais pas si vous avez remarqué Plekanec devant Carey Price frapper la rondelle qui bondissait. Oui, OK, là, c'est un argument peut-être un petit peu... contre le jeu, là, mais en tant que tel, là, un joueur avec l'expérience de Tomáš Plekanec aurait pris peut-être un petit peu plus son temps avec la rondelle au lieu d'essayer de la frapper au vol puis de la garrocher sa palette de l'autre équipe qui a mené totalement au premier but du Lightning. Je sais pas, il y a une nonchalance de Plekanec en série qui me fait que j'ai de la haine envers lui, pour vrai, là, je veux dire. Non, peut-être pas à ce point-là, là, mais tabarouette, il y a ça, le repli défensif qu'il n'a pas fait au premier match. Il y a plein d'affaires qui fait que Plekanec, je suis plus capable. Puis je vais en parler dans ma chronique de tantôt. Ben, chronique, on s'entend. Le sujet qu'on va parler assez rapidement, il y a des vidanges à sortir. Oh, OK, c'est bon. J'avais pas ça dans mes notes, mais oui, j'aime ça. Fait que ben c'est ça, le dernier match qui était... Écoute, on était dans un cercueil, il y avait une coupe de clous alentour, mais le Canadien frappait assez fort sa planche pour débarquer des clous. Puis là, ben, le Lightning a fait de la merde, on va y aller avec un gun à clous. Ça a cloué pas mal plus vite. OK, je veux juste parler un petit peu là, de pointeur. On va y aller, là, on va se rendre jusqu'à Plekanec. J'ai dit qu'il était sixième. Subban, 8. Pacioretty 7, Gallagher 5, Gilbert 5 et Mitchell 5. Donc ça fait avec Plekanec à 4, ça fait notre top 6. Galchenyuk a aussi 4 points, donc au 7e rang. Juste comparer, là. Du côté du Lightning, Tyler Johnson 12, Kucherov 11, Stamkos 10, Killorn 9, Palat 8, Phil Poula 6, Edman 6, Strawman 5. Ça veut donc dire qu'il y a 8 joueurs, dont 2 défenseurs. En fait, on pourrait même dire 4 défenseurs, parce qu'il y en a 2 chez le Canadien aussi, qui ont plus de points que Plekanec en série jusqu'à maintenant. Ah. C'est malheureux, là. Là, ben, tu sais, si tu disais, ah, c'est Edman, OK, c'est Subban, on pourrait quasiment les éliminer. C'est vrai que c'est des gars qui ont tendance à avoir des bonnes fiches offensives, mais là, il faut que tu rajoutes Strawman et Gilbert. What the hell? En tout cas, si vous voulez être les fanboys de Plekanec, levez-vous de bonheur, parce que c'est... Mettons qu'il vous a pas aidé trop dans cette série-là. Non, mais c'est ça. Même s'il y a eu des points Ouais, quoi qu'il y aurait peut-être eu de la misère. Moi, c'est vraiment sa nonchalance sur des jeux simples, basiques, que peut-être même moi, j'aurais mieux réagi. En tout cas, je réagissais très bien dans mon sofa, là. Mais c'est sûr que j'ai de la misère avec... honnêtement, il y a une game que je me suis dit, et ça résonne encore dans ma tête. Ben tabarnak! Gilbert est meilleur que Plekanec. Jamais j'aurais pensé dire ça. Mais Gilbert était meilleur que Plekanec en série. Ouais. C'est drôle, hein? C'est pas supposé, hein? Moi, j'ai pris en note une couple de citations. Les gars ont rencontré des journalistes hier, deux joueurs qui sont le noyau de l'équipe. Et Michel Therrien, je me suis pris des notes là. Et je veux qu'on commente. Je veux qu'on dise qu'est-ce qu'on en pense. Carey Price dit: j'aurais dû faire plus d'arrêts dans les premiers matchs. Je prends la défaite sur mes épaules, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est normal, je pense, qu'ils réagissent comme ça. Surtout qu'il a accordé 3 buts dans le dernier match. C'est sûr que Carey Price, je ne l'ai pas trouvé super constant dans les séries. Parce qu'il y a eu des games qui ont accordé beaucoup plus de buts qu'on est habitué de le voir accorder. Mais en même temps, il a clairement volé une coupe de match en série. C'est un peu dur d'y en vouloir, étant donné la maigre attaque qu'on a. Je pense que c'est surtout ça aussi. Je veux dire, c'est facile aussi pour lui. Puis tant qu'à moi, on s'entend que Carey Price, c'est le pilier. Je pense qu'il a juste enlevé un certain... pas de pression, là, mais... on s'entend, justement, sûrement que tu vas parler des autres joueurs après, là, mais il y en a qui ont dit: non, regarde, c'est ben trop, là, je veux dire, c'était à nous autres d'amener l'équipe en tant que telle. Ouais, Parento a voulu... il aurait toqué en disant: non, c'est notre faute, Carey Price a rien à voir dans tout ça. Mais oui, j'avoue qu'il a été faible sur certains buts, mais en même temps, il n'y a tellement pas d'attaque. Là. Je fais juste regarder là, les matchs que le Canadien a perdus. Il y a 3 défaites où est-ce que le Canadien n'a marqué qu'un seul but. Soit le gardien est parfait et te donne une victoire de 1-0, soit tu perds. C'est tout ce que tu as comme marge de manœuvre. Là. La moindre erreur que tu fais, ça donne 1-1, puis tu es en situation d'aller perdre le match. Pas évident, là. Sur 4 défaites, il y a 3 fois que le Canadien n'a marqué qu'un seul but. Je veux bien là, que Carey Price mette la faute sur ses épaules un peu, là. Mais il n'y a pas rien que lui, là. Il n'y a clairement pas juste lui. Non, ça, c'est sûr, là. Je veux dire, il y en a beaucoup qui vont falloir qu'ils se regardent dans le miroir avant, là. Je veux dire, même si Subban a 8 points, puis c'est le meilleur marqueur du Canadien, là, il y a des petits moments là, qui étaient comme moins... Ben, en fait, toute l'équipe au complet, je pense qu'il y a des bouts que ça marchait vraiment à 100%, puis il y a des bouts que ça patinait. Hier justement, là, c'est un des meilleurs exemples, ça patinait tout croche, il n'y avait aucune cohésion en attaque, là. Ça se défendait plus que ça attaquait. Puis tu sais, je pense que c'est là que tu as vu qu'il n'y a pas vraiment encore de leader dans l'équipe. Il n'y a personne qui a voulu prendre la place, sauf peut-être un. Puis pour moi, je pense que je suis le seul qui mérite une pas pire bonne note pour la dernière série, malgré la défaite, c'est Brendan Gallagher. C'est un gars-là, tout ce qui manque, c'est 6 pouces de plus. C'est malheureux, mais tabarouette que lui, au moins, il a travaillé tout le long. Puis je pense qu'il n'y a juste personne qui a embarqué dans le même bateau que lui, tu sais. C'est malheureux, mais je suis moins pompé qu'hier, parce que hier, avoir fait un show de suite après la défaite, là, c'est clair. Ça aurait... Il y aurait eu une fréquence de son à gérer, en tout cas. Autre citation, Max Pacioretty qui dit: « Nous devons trouver un moyen d'être meilleurs en avantage numérique. » Écoute, ça prenait pas un grand analyste. Même TV Sport aurait été capable de la sortir, celle-là. Mais oui, c'est vrai. Et où la solution? N'as-tu une à l'interne ou faut aller chercher à l'externe? Ben, à l'interne, je pense que tu l'as déjà dit dans un ancien show. Arrêtez de la passer à Subban, tabarouette. Drette en partant, ça va t'aider. Ça te prend Je pense qu'on l'a tout remarqué. Là. Si efficace en égalité numérique et si peu en avantage numérique. Subban, ouais. C'est fou, hein? C'est un extrême ou l'autre. Ouais, ben en même temps, c'est parce qu'on s'entend, là. Il y a tout le temps un joueur dans ses culottes, là. C'est un peu dur de faire son arme ultime, l'espèce de one-timer à 130 km/h. Mais je pense que c'est un peu ça. À l'interne, je pense que c'est de changer la stratégie. Puis Dan Lacroix, là. Attends une minute. Je le crisserais dehors, moi. Je dis ça de même, là, mais c'est carrément de sa faute. Mais lui, je pense qu'il a pas compris que ça marchait pas. T'sais, regarde, ça marche pas une fois. On va le réessayer. Ça va marcher un moment donné. Non, ça marche pas. Sinon, en tant que tel, à l'externe, ben, ça nous prend clairement un scoreur. Un scoreur né. Un genre de Stamkos Ovechkin. Ça nous prend ça. C'est les magazines savoir. Ouais, non, ben là, c'est ça, c'est ça le problème, tu sais. Ce qu'il va avoir disponible, ça pourrait être Patrick Sharp. Mais encore là, c'est une question de gérer les effectifs pour pouvoir le faire rentrer sur ta masse salariale. Puis encore là, ça veut pas dire que ça va marcher, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Sérieusement, tu sais, Pacioretty, je suis quand même un peu surpris qu'il ait 5 buts parce que je l'ai pas vu des séries. Et moi, je trouve qu'il a rien fait. Il a démontré un peu de caractère dans les derniers matchs, là, mais à part ça, là, ça. Écoute, il y a trop de marqueurs différents dans le Canadien en ce moment. Là. C'est tous des 1-2 buts sauf lui, tu sais. En tout cas. Marqueur naturel puis Subban. Ouais. Autre commentaire, Michel Therrien qui dit le réservoir était vide. C'est pas juste physiquement, mais mentalement que le Canadien, moi je paraphrase, il disait que ses joueurs étaient, il y avait l'impression que ses joueurs mentalement puis émotionnellement étaient vidés. Ben, je pense qu'il n'y avait pas juste qu'il avait l'impression de ça parce que ça a paru dans le dernier match. Ouais, c'est ça. Il y avait comme aucune hargne de vouloir gagner. Tu sais, la hargne du tueur, que comme tu aimes si bien le dire, ça manquait ça. Il l'avait dans le match numéro 4 et 5. Il l'avait. Mais tabarouette. Oh non, c'est. Il manquait, là. Puis tu sais, comme. Le Plekanec, encore Plekanec, qui s'est fait saver solide par Bishop. Mais en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas le verre rondelle. Mais juste ça, je crois que je vais être d'accord avec les médias traditionnels. Je pense que c'est ça qui a fait un peu le tournant. Parce que le 5-7 premières minutes, le Canadien avait l'air d'être parti. J'étais comme, wow, on va l'avoir celle-là. Mais tout de suite après ça, là, c'était. La débandade, là, ça marchait plus. Il n'y avait plus rien qui marchait. Plekanec jouait beaucoup trop. Non, c'est. Je pense que Plekanec, c'est mon mouton noir des séries. Ça paraît pas, hein? Non, c'est. Ça paraît non. Pas. Non. Tu gardes ça subtil, j'aime ça. Ça, c'était les commentaires que moi j'avais ramassés sur après la game. Je m'étais dit, ah, c'est cool, on va pas en parler. Mais ça me fait penser, tu sais, quand Michel Therrien il dit, côté émotionnel, on avait plus de jus, puis tu sais, tout le monde dit, ah, le Canadien, ça manque de marqueurs, ça manque de buteurs. Moi, j'ai entendu souvent dire, ah, ça prend deux joueurs top 6. Et après ça, en même temps, on chiale que le Canadien n'est pas capable de générer de l'attaque et que c'est de la faute à Michel Therrien. Je me demande jusqu'à quel point c'est contradictoire de faire ces observations-là. On dit qu'il manque deux joueurs top 6, donc deux attaquants offensifs. Puis après ça, on chiale que l'entraîneur n'est pas capable de générer de l'attaque avec ses joueurs. Je me sens visé un peu, là, pour vrai. Parce que hier sur Facebook, j'ai fait un message qui était un petit peu... J'avais de la haine envers le Canadien d'avoir perdu. C'est-tu mais... vraiment de la faute à Therrien? C'est-tu. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de embauchons Babcock, puis ça va régler le problème du Canadien, tu sais. Je penserais pas, là, honnêtement. Là. Honnêtement, j'avais fait un hashtag Therrien out, là, mais c'est pas vrai. C'était juste sous le coup de l'émotion. Non, c'est vrai. Je pense pas que c'est vraiment de la faute à Therrien en tant que tel. Comme tu le dis, ça manque. De scoreur. Puis il y a certains joueurs qui ont juste pas levé le niveau de jeu. Entre autres, Galchenyuk, autant en série qu'en saison, moi, il m'a déçu cette année. Lars Seller, là, je pense que je m'attendais plus vraiment je m'attends pas à ce qu'il fasse des points au tableau comme il a pu finir, mais défensivement, il était quand même bien. Desharnais, c'était pénible lui aussi. Parento, que dire de Parento? À part son but magique d'un one-timer qui a frappé le haut du net, c'était la seule affaire qu'il avait de bon. Plekanec, comme il a 60 points cette année, il n'y avait aucune flamèche en série. Brandon Prost, c'était pas l'ombre de lui-même. J'en venais à me poser la question quand on est passé proche là, contre Ottawa, puis là, il est en train de vouloir remonter. Là. Je me demandais, le Canadien, as-tu mis trop d'énergie à finir premier? Tu sais, quand la journée où est-ce qu'on était assuré de faire les playoffs, on aurait-tu dû donner congé à Price plus souvent? Oui, je sais, il y avait un record là, qui était atteignable. Ben, tu sais, donner plus souvent congé à Price, à Plekanec, tu sais, à Markov. Markov a été atroce dans les séries. Je pense que moi, c'est mon pire joueur de l'équipe. Là. Il était dégueulasse. Là. Je sais pas si c'est une blessure. Je sais pas si mentalement ça va pas bien à la maison. Si whatever, là, tu sais. Mais pour moi, il était dégueulasse. Puis au salaire qu'on le paye, puis qu'on va le payer encore pour les deux prochaines années, à ta boy. On n'est pas en train de s'aider, pas en tout, là. Ah non, vraiment pas, là. Donc, la question que je me posais, c'est ça. Est-ce que vraiment on a bien fait de continuer à miser pour avoir la première place, pour avoir l'avantage de la glace qui est si avantageuse que ça? Not. Ou on aurait dû reposer nos gars? Nos joueurs clés. Je pense qu'on aurait dû reposer. Puis d'un sens, le record qu'il a atteint quand même une couple de matchs avant la fin. Là, fait que peut-être qu'on aurait pu le reposer. Ah, faire arriver, c'est vrai que le momentum. Ouais, faire arriver avec de l'énergie aussi, des fois. Ça peut être pratique. Ouais, c'est ça. Pas de momentum. Faut que tu aies de l'énergie et tu peux le rattraper. Sinon, ben, si tu cherches juste le momentum, t'as pas d'énergie pour le garder. Puis de toute façon, on s'entend. Là, regarde justement. Contre Ottawa, ça a marché, oui, un peu, parce qu'on les a plantés deux premiers matchs. Là. Mais contre Tampa, l'avantage de la glace, là. C'était zéro pinball. Non, ça change rien. Là. Tant qu'à moi, là, que tu joues à maison ou à l'extérieur, c'est un match de hockey. Oui, t'as l'avantage du banc, mais rendu là... là. Si tu joues bien, tu t'en fous pas mal. Et encore, Rastel, les coachs sont tellement bons là, que. Il y a un soir donné, tu peux avoir l'avantage de la glace puis du dernier changement, puis tu fais quand même hot coacher. Là. Ouais, c'est sûr. Ça arrive. Là. Autre truc, ça c'est une analyse qu'on avait faite, toi puis moi, sur Facebook le 7 mai. Fait que je fais une couple de jours, ok? Mais je trouvais ça intéressant. Je disais, entre autres, je faisais une analyse. En attaque, David Desharnais. Pierre-Alexandre Parenteau, Plekanec, Prost, Mitchell et Malhotra, pour moi, doivent prendre le bord. En défensive, Markov, Gilbert et Emeline font partie des problèmes actuellement. Et ça, ben, c'est sans compter Petrie. Donc, ça nous donne 10 joueurs, l'équivalent de deux lignes d'attaque et de deux paires de défenseurs. On fait quoi pour régler le problème? Est-ce qu'on peut réellement régler le problème? Et ça, c'est entre les mains de Marc Bergevin. Et il y a trois façons d'y arriver. Soit par le repêchage... Et ça prend à peu près 4 à 5 ans avant que les gars arrivent. Soit par transaction, mais il faut que tu ailles donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Et selon le calibre de ce que tu donnes, normalement, ce que tu reçois, à moins d'une surprise, est pas mal le même calibre. Donc, tu règles pas le problème. Ou encore par les agents libres. Et là, ben, faut que tu sortes la pièce. Et souvent, le rendement, le dollar investi est moins bon que le rendement sur la glace qui est offert. Souvent. Pas tout le temps, là, mais souvent. On fait comment pour avoir une fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley avec le Canadien dans cette vision-là? Ben, c'est une très bonne question. Là. Mais dans le sens que, moi, je te dirais, là, pour te faire une métaphore imagée, si ça se dit. Bref. Ça laisse aller, là. Il y a comme une porte devant le Canadien en ce moment. Puis ils sont tous devant. Là. Je pense que tous les joueurs se regardent. Puis ils se disent, tap, ah ouais, qui c'est qui a la clé? C'est vraiment ça qui se passe. Je pense que le joueur qui a la clé, il est dans une autre équipe. C'est pas un Sherback, c'est pas un Hudon, c'est pas ben, il est dans un McCarron. Il va être dans une autre équipe pareil, il joue à Hamilton, ok? J'ai raison. Non, mais peut-être que ça va venir par en bas. J'ai beaucoup d'espoir. Hey shit, je me souviens plus de Sherback, moi là. André Ghetto. Non, André Gatto, je pense pas. Lui, André Gatto, on en a déjà parlé, je pense, dans un show bien avant. Hein. Je pense pas qu'il ait sa place à Montréal en tant que tel, mais il va sûrement débloquer ailleurs. Peut-être. Mais non, mais tu sais, tu parles de faire un échange. Il y a une couple de munitions, tu sais. Tu mets André Gatto plus un quelque chose d'autre, là. Mais tu sais, tu mets Emeline pour pouvoir t'en débarrasser. Ouais. Puis tu mets André Gatto pour monter la valeur du trade. C'est ça, ouais. Puis t'essayes d'aller chercher quelque chose. Mais c'est surtout pour faire de la place aussi, parce que, tu sais, comme je parle de Sharp. Honnêtement, je connais pas tous les joueurs qui vont être sur le marché des joueurs autonomes là, à la fin de l'année. Là, il va peut-être même avoir des restricted free agents comme Tarasenko. Non, parle-en pas. Non! Je fais des cauchemars depuis que tu en parles. Mais en tout cas, lui, là, celui qu'on peut pas prononcer parce que JB va capoter. Tu sais, lui, mettons que tu fais un offre, ben faut que tu aies l'argent, tu sais. Fait que faut que tu te libères, puis il y en a une couple que je suis pas mal d'accord dans ce que tu dis, là. Sérieusement, tu sais, je parlais de vidange à crisser dehors, là, ben, tabarouette, j'ai un esti de gros sac poubelle. Il faut vraiment s'arranger pour faire de la place pour accueillir, parce que je pense que le marché des joueurs autonomes peut être une façon. Mais encore là, l'espèce de le symptôme de la surenchère, là, j'ai bien de la misère avec ça, puis justement, faut pas trop payer, puis Sharp, mais ben, je suis pas mal sûr qu'il va être... Écoute, il va probablement avoir genre 8-10 équipes après. Puis en plus, comme tout joueur d'attaque passé 32-33 ans, ben écoute, l'efficacité est moindre. Ah, c'est ça, ça drop en tabarouette, puis je pense pas que c'est à Montréal que ça va remonter. Parce que, tu sais, on a quand même des bons joueurs, surtout avec des joueurs qui s'en viennent. Tu sais, McCarron, j'ai hâte de voir ça. Sherbach, j'ai hâte de voir ça. Ça va-tu faire le club l'année prochaine? J'ai aucune idée. Mais si t'apportes du 109, qu'il y a de l'énergie à en revendre, ça peut peut-être aider le club, ça peut peut-être aider certains vétérans qui, justement, vont juste se laisser traîner par ces jeunes-là. Mais les échanges, je vais dire comme toi, absolument ce que tu donnes, ça vaut pas mal ce que tu reçois, même que des fois... t'es pas chanceux, puis tu donnes quelque chose qui vaut l'autre, mais que finalement, le tien marche mieux l'autre bord, puis celui que tu vas chercher marche pas chez vous. Ou le contraire, mais... Hey, sérieusement, j'ai aucune idée ce qu'il faut faire pour que le Canadien marche mieux l'année prochaine, mais sérieusement, je te dis, la porte est devant. Là. Ils ont une méchante bonne base pour rentrer dans la porte, mais il manque juste la clé. Ben, tu dis qu'ils ont une méchante bonne base, mais... Moi, non, je commence à douter. Tu sais, Markov, oublie ça. Tu sais, moi, ma ballonne est pétée. Là. Oui, il a fait 50 points cette saison, plus 22, mais en série, il n'y a plus de gaz. Donc, tu peux pas te fier sur lui. Il a 36 ans. Là. Ça en va sur ses 37, puis il reste 2 ans de contrat, 38. Okay? Ensuite, oui, tu as Galchenyuk qui s'en va pour Rizé. Tu as Pacioretty qui est à 26. Pacioretty, là, avant qu'il commence à être moins bon, parce que là, il est pas mal à son pic, là, 67 points, ça devrait ressembler à ça. Il reste, on a dit 33 ans pour un attaquant. Ça veut dire qu'il reste à peu près 6 ans. On est-tu capable d'aller chercher des jeunes ou des joueurs qui, en dedans de 6 ans, parce que Subban, il a le même âge, donc 26 aussi. Donc, ton centre de joueurs, tu as Price qui reste à peu près 5-6 ans. En dedans, mettons 5 ans là, pour maximiser, on est-tu capable de rentrer vraiment dans la fenêtre? On est-tu capable d'avoir des joueurs qui vont être à leur top au même moment pour améliorer les chances du Canadien? C'est ça que je me demande. T'as Sherbach qui est vraiment un potentiel offensif. Udon, oui, ça fonctionne dans la Ligue américaine, mais va-t-il être capable de transférer ça dans la Ligue nationale? J'ai des doutes, vu le 16. Donc, côté relève, c'est assez tranquille. Et avec le rang qu'on va sélectionner, on va choisir entre 24 et 30. Ben, pas 30, là, mais entre 24 et 28 au repêchage. Ben, oublie ça, là. C'est pas, à moins d'une surprise, il n'y a pas de joueurs top talentueux qui vont être là. Ils vont être partis déjà avant. Ouais. Fait que, tu fais comment? C'est Michel. Marc Bergevin a un sale casse-tête en avant de lui parce que oui, il y a un noyau intéressant, mais en même temps, il y a tellement d'éléments problématiques alentour, il y a tellement de pépins. je sais pas comment est-ce qu'il va pouvoir régler ça, parce que là, actuellement, moi, ce que je vois, ça va être un club qui va être en mesure de faire les séries pendant ces 5 années-là, mais qui sera jamais vraiment un contender. Tu sais, le Lightning de Tampa Bay, là, oui, le Canadien a eu son mot à dire dans sa défaite, c'est pas aidé nécessairement, mais soyons francs, là, regardons ça là, comme du monde, là, ils ont un sale beau club, là. Palat, Stamkos, Kucherov, Johnson, Edman, Nesterov, Suster. Écoute, c'est tous des jeunes. Ils sont pas vieux, là. Ils ont Drouin qui s'en vient, qui est sur le bord. C'est tous des jeunes qui ont en bas de 25 ans, 26 ans, et qui vont qui rise ensemble. Tu sais, quand moi je te parle de tout mon temps en puissance en même temps, écoute, ils l'ont, là. Ils ont vraiment la formule. Moi, cette équipe-là me fait capoter. Ils sont pleins de talent. Ils ont tout ce qu'il faut. Le Canadien, de s'être rendu en 6 contre eux autres, moi, sincèrement, je trouve ça plate, la défaite de 6-2, mais pour le reste, le Canadien, oui, aurait dû marquer plus, oui, il y a des problèmes à l'interne, mais il n'a pas de honte à s'être fait battre par cette équipe-là. Elle est mauditement bien montée, là. Ah, c'est sûr. C'est un beau club, là. Si on regarde ça objectivement, là, c'est une méchante belle équipe, puis on rêverait d'avoir ce club-là à Montréal. Moi, là, tu fais là du 1 pour 1, chacun des joueurs, là, t'échanges le club de Montréal pour le club de Tampa Bay, puis je te jure qu'on capotera 100 fois plus qu'on capote actuellement, là. Ouais, c'est sûr. Non, c'est l'équipe est vraiment mieux balancée, puis il y a beaucoup plus d'attaques aussi. Je pense que c'est là que t'as vu le... Tu sais, d'avoir perdu en 6, là, c'est pas une honte, là. Au deuxième tour des séries, non plus. Ah, surtout qu'on se faisait battre toute l'année par eux autres. Ben oui, tu sais. Non, c'est vrai, puis ah, ça me fait du bien ce que tu dis. Il y a de la frustration, puis je comprends, puis il y a certains éléments que, peu importe le club qu'on a eu en avant nous autres, ça aurait été la même problématique. L'avantage numérique, c'est catastrophique. Le Canadien n'a pas de punch en attaque, c'est catastrophique ça aussi. C'est des problèmes, on le sait, là, on l'a vu, puis si moi je suis capable de l'observer, toi aussi, puis TVA Sport, je pense que Marc Bergevin est au courant, tu sais. Fait que oui, on va cibler ça, mais en même temps, c'est comment tu le cibles pour faire que tout monte en même temps, puis de la fenêtre d'opportunité, elle est là réellement. Le Canadien, si tu compares avec le reste de la Ligue nationale, n'est pas en si bonne posture que ça. Oui, on a Price, oui, on a Pacioretty, oui, on a Subban, mais en dehors de ça, c'est pas calibre de ce que d'autres clubs d'élite sont en mesure de nous offrir. Non, c'est ça, puis il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans le top 6 qui ailleurs ne joueraient aucunement dans le top 6 là. David Darnay là, mais il serait pas là. C'est un troisième centre, Plekanec à la limite un deuxième. Heller, troisième, même chose. Mais Heller, c'est un bon troisième centre. Faut arrêter, oui, de penser que c'est un gars offensif, ça, non, il nous l'a prouvé là, mais c'est un bon troisième. Moi je suis. Non. Ben justement, Lars Eller, moi Lars Eller me fait voir il y avait beaucoup trop de mots qui sortaient en même temps. Mais Lars Eller, c'est un Tomáš Plekanec, mais avec 40 points de moins, mettons. Ouais, mais c'est ça, mais les fonctions défensives, il est rempli. Le problème, c'est que Plekanec se concentre sur sa défensive, puis on lui fait jouer tellement de minutes que oui, en saison, il est capable de s'en sortir. Mais en série, il n'y a plus d'énergie, puis il n'y a plus ce qu'il faut pour être capable de générer la même attaque qu'en saison régulière. Ça a toujours été ça le problème. Il n'y a pas le gabarit pour faire ces deux jobs-là en même temps à l'année longue. Non, c'est ça. Ben, et en ce sens-là, pour moi, c'est un troisième centre. Et voilà, c'est fait d'un sens, faut s'en débarrasser. Tu sais, tu me parles de Markov, c'est un problème, faut s'en débarrasser. J'ai aucun trouble avec ça. Parce que si t'es capable de signer Jeff Petrie, je pense que t'as le joueur. Petrie, il a quoi, 26-27 ans, là? Ouais. C'est quand même l'âge que le pic s'en vient, mettons, pour un défenseur. Je pense que si t'es capable de garder Petrie, t'as. Moi, j'aurais pas peur de me débarrasser de Markov, surtout c'est avec. Petrie Subban, est-ce moins bon que Subban Markov? Je pense. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ben, je pense pas, moi, honnêtement. Non plus. Surtout avec les jeunes. Check Beaulieu, moi, cette année, à date, j'ai vraiment aimé ça. Belle évolution. Très belle évolution, justement. Moi, Patwin, je le sais, là, je suis probablement le seul dans la province qui capote. Là. Non, mais non. Moi, j'aime ce que je vois. Ben, moi, honnêtement, l'année prochaine, c'est un top 6. Là. Je veux dire, il est passé devant T-Nordy, solide dans la hiérarchie. Gilbert à limite comme un sixième def. Non, mais... J'aime ça que tu fais comme avec des pincettes là. Non, mais si t'as pas vu les air quotes qu'il y avait en... Mais Tom Gilbert, tu sais, il reste un an. Là, je veux dire, à la limite, il te donne une marge de manœuvre pour justement prendre ton temps avec un autre def. C'est ça. Souban Petrie, ça, on n'en parle pas. Là, faut juste qu'on se regarde de Sean Petrie. Patterson Beaulieu. Là, c'est là que tu te dis qu'il y a un problème. Ils l'ont dit comme 7e. Tu sais, Ouais, ben moi, je me débarrasse d'Emlyn. Puis à la limite, tu montes T-Nordy. Puis tu regardes là, tu vas jouer. Puis sinon, tu vas te crisser ton camp. Je m'en calisse, ça. Moi, je l'ai changé contre un choix de 3e. mais je pense qu'il faut le mettre dedans. Faut crissement. Ah, tu te garoches dans la cage à loup, man. Puis ben, débrouille-toi. Puis on va t'aider pareil. Là, mais en tout cas. Faut juste que Tinoldi arrête de jouer comme un junior. Là. Faut qu'il arrête d'avoir peur de la Ligue nationale. Il y a le calibre. C'est mentalement, là. C'est pas une capacité physique. Là. Il y a eu des très très beaux flashs cette saison. Il y a un certain moment où est-ce qu'on le croyait passer devant Beaulieu, puis gars, au final, c'est Beaulieu qui est revenu. Beaulieu a de la confiance, ça a toujours été dans sa personnalité. C'est un flamboyant un peu, je dirais pas pareil à Souban, mais un petit peu dans le même moule, tu sais, très confiant de ses capacités. Ben ça, dans la Ligue nationale, c'est important, tu sais. C'est important de l'avoir ce bout-là, puis Tinoridi a de l'air shaky mentalement. La journée où est-ce qu'il va faire comme « Hey, je suis capable, moi, je suis comme les autres, là, il va être bon, là. » Ça prend plus de Doc Guimond, ouais. De Doug Guimond, ouais. Celui qui s'occupe de la psychologie là, pour le Canadien. Ouais, là, je me demandais, ça avait rentré dans la tête après, ouais. Mais, référence obscure. Ouais, non, c'est envers le staff de Montréal. tu parles des problèmes en tant que tel. Moi, j'appelle plus ça des problèmes, j'appelle ça des vidanges. Oh, ok, on est rendu là. Ben, ça fait un peu suite à ce que tu dis, là, mais moi, il y a une couple de joueurs, je me débarrasse justement, là, puis je sais pas contre quoi je les échange. Okay? Je veux juste. Je m'en débarrasse. Écoute, j'ai nommé 9 noms tantôt, là. Ben, je pense que ça ressemble pas mal au même. Je me rappelle pas vraiment à 100% de tes noms, là. Ok, mais j'ai dit Dernay, Parenteau, Plec, Prost, Mitchell, Malhotra, Markov, Gilbert et Emeline. Et là, je parle dans ceux qui étaient réguliers, là. Parce qu'on s'entend, là, là-dessus, j'ai pas mis Flynn, qui, moi aussi, là, je le change. Mais il a même pas joué tous les matchs de série, là. Fait que, tu sais, je le compte même pas dans l'équation comme étant dans le nœud de l'équipe, là. Et à ça s'ajoute, c'est quoi le nom là, du défenseur russe de 42 000 ans là, que tu voulais donner une autre année, là, puis qui a pas joué dans les playoffs? Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Hey, si il aurait joué dans les playoffs, pas mal sûr qu'on aurait 2-3 victoires de plus. Ouais, tu penses? Non, pas vraiment. Non, mais pour vrai, je me suis résilié à vouloir re-signer Gonchar un an, 1 million, ça n'existe plus. Mais au moins, il a apporté de quoi de bon à Beaulieu. Il a fait ça. Prenons ça, ouais. Mais tu sais, on s'entend, hein? Gonchar. Moi, en fait, mes noms, c'est Emlyn, pareil comme toi. Plekanec, même chose. Markov, Dernay, Parenteau, Gilbert, Pross. Ça, c'était mes noms. J'ai pas nommé Mitchell et Malhotra parce que, de toute façon, je sais qu'ils crissent leur camp à la fin de l'année. Les autres, c'est tous des joueurs qui ont tous encore un contrat. Fait que, d'un sens, on est pogné avec. C'est ouais, pour c'est ça que je dis que c'est des vidanges à sortir. Le reste, c'est comme des vidanges. On est déjà sur le bord du chemin, il reste rien que le truck les ramasse. C'est ça, c'est en plein ça. J'aime beaucoup ton image. Ah non, mais c'est toi qui as parlé du vidange. Ben cool. Ouais. Je continue là-dedans. Là. T'as une belle passe à la palette, ça. Ouais. Emlyn, pourquoi si c'est vraiment plus le défenseur physique qu'on connaissait, puis il est pas bon avec la rondelle, vraiment. Là. Il est... C'est tough. Très très moyen pour le 4,1 million qu'on va lui donner. Plekanec, juste parce que c'est notre Joe Thornton format mini, quand même correct en saison, mais en série, il s'efface. Même si c'est parce qu'il n'y a plus d'énergie, je veux bien, là. Mais regarde, je suis plus capable. Je l'échange. Puis je suis sûr que Plekanec a encore une bonne valeur. Dans des clubs, là. Tu sais, comme des clubs jeunes, je suis de même, mais Edmonton, genre, là, ça peut être un bon atout. Là. Ça peut. Markov, même chose. Un autre Russe qui vieillit. Les deux genoux commencent peut-être à rentrer. Là, hein. Il fait peut-être de l'arthrite dans les genoux. On l'a vu dans les séries. 2 points. 2 maigres petits points. -1. Ouais, ça, c'est parce qu'il s'est fait sauver les fesses une couple de fois par Price. Hein. Et voilà. Donc, non, pour vrai, j'ai bonne saison. Peut-être encore un peu de valeur sur le marché. Là. Ben, je pense qu'il y a de la valeur sur le marché. Malheureusement, je pense qu'il va finir à Montréal. je crois que sa carrière va se finir ici. Mais bon. Dernier, j'ai-tu vraiment besoin d'en parler? 5 pieds 10. Si tu l'enlèves de Patcherly, il fait rien. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Paranto, bon, écoute, on a essayé. C'était peut-être un petit peu mieux que Brière, puis encore là, pas sûr. Le gars joue mou. Il n'y a aucune valeur sur le marché là, avec non, son contrat. Il n'y a aucune valeur, mais à la limite, encore une fois, s'il y a une équipe qui veut atteindre le plancher, garde-moi un choix de 6e ronde, je te donne Paranto. Gilbert était sur ma liste parce que tout le long de l'année, on n'a pas trippé sur lui, pour ne pas dire qu'on ne l'aimait pas. Mais il y a quand même eu des bons petits flashs vers la fin de saison quand Petrie est arrivé. À 2.8. Il est correct. C'est pas la fin du monde. Ça te bloque pas rien. Puis, non, c'est pas une problématique. Là. C'est ça. Puis t'en as pour 2.8. Là. Ben, c'est plate, mais t'en as pour le salaire que tu les donnes aussi. Là. Ouais, ça vaudrait encore mieux 2.8 millions de Jelly Bean, mais bon. Prost, juste parce que lui, je pense que les deux dernières années, ils ont rentré dans le corps. C'est plus le même joueur. Oui, il met de l'énergie. Il y avait un bon trio, je trouvais, avec Lars Eller et De La Rose. Mais c'est pas assez convaincant. Puis lui, tout, il coûte cher. Je me souviens pas par cœur, mais je sais que c'est cher. Ça aussi, c'est un autre joueur qui va être assez dur à refiler, pour ne pas dire que probablement qu'on va le garder. Mais ça, c'est mes vidanges que je sortirais. Un autre vidange qui est pas vraiment à ce point-là pas bonne. Mais mettons, je serais plus un troc de stock que j'utilise pas pour autre chose. T'as quoi un skill? Genre, t'envoies ça à Play Again Sport, là, on a fait la même, là, juste ouais. Comme recyclage. C'est pas des vidanges, c'est du recyclage. Ah, tu vas le porter à la source du sport. Voilà, c'est ça. Ils font ce qu'ils font avec. Non, Tokarski, je veux dire, tant qu'à le laisser sur le banc, s'il peut avoir une certaine valeur, malgré qu'il en a probablement perdu assez vraiment. Gros cette année. Mais quand même, tu sais, je veux dire, allez. Tu sais, à 575 000, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de s'en départir là, tu sais? Non, mais tu sais, si mettons, tu peux mettre dans un bundle parce que tu veux échanger Emlyn, puis tu donnes, mettons, Andrigato, puis l'autre équipe a besoin d'un goaler, puis tu dis, hey, donne-moi Tokarski avec, puis on a un deal. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu fais pas un échange 1-1 pour te débarrasser de Tokarski. C'est un complément. C'est pas le premier que je tasse, là. Non. C'est un complément, là. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une vidange. Je sais plus du stock que j'utilise pas, que si quelqu'un veut, moi, il donne, tu sais. Mais non, c'est je pense que c'est pas mal ça. Faut vraiment faire un gros ménage, puis c'est des vidanges qui vaut cher, OK? Emlyn, Plekanec, Markov, c'est dans les plus hauts salariés, même Darnell, Paranto aussi, finalement. Mais imagine si t'es capable au moins de te débarrasser de deux joueurs. Dans ça, tu peux sauver environ facile 10 millions avec deux joueurs. Sauf Gilbert Prost, là, mais... Ouais. Imagine la marge de manœuvre que ton 10 millions peut te donner qui se rajoute sur ton 10 points, on va arrondir ça à 11 millions. Parce que le NHLNumbers.com, ils ont mis à jour là, actuellement le Canadien. Mettons que la saison prochaine débutait là avec les joueurs qu'on a actuellement puis ceux pas de contrat sont en dehors. Là, on est à 58 millions puis on dit que le plafond va être à 71. Donc, on a environ 12 millions de marge de manœuvre. Là-dessus, il faut signer Emelin. Pas Emelin, mais... Galchenyuk. Excuse-moi. Non, c'est galère. Mauvais russe. Galchenyuk. Puis, t'as Beaulieu aussi qui est assigné et Petrie. Ouais. Est-ce qu'on est capable dans 11 millions? Sauf que, c'est comme tu dis, si Markov puis Emelin débarquent, ça, c'est 10 millions là, de marge de manœuvre que tu viens d'aller chercher. Ouais, puis, tu sais, comme Petrie, moi, facile, c'est un 5.5. Puis, crème, je pense que ça a été un des defs les plus constants et les plus efficaces en série. Même s'il n'y a pas autant de points, là. Moi, il faut que tu leur signes absolument. C'est même pas une question, il faut que tu leur signes. Galchenyuk, à la limite, c'est peut-être plus facile de dealer avec, vu sa saison, tu sais, puis lui, ça va être sûrement un contrat de transition. Il n'y aura peut-être pas la même affaire que Gallagher. Non, il n'y aura pas la même affaire, ça, c'est sûr. 2 ans, 2.5, 3 gros max. Là. Probablement, dans ce style-là. Sinon, Beaulieu, même chose du tout, il est avec restriction. Ça va être plus facile aussi. Puis il n'y a pas eu autant un grand impact pour négocier un contrat de fou. Je pense que lui va peut-être aller chercher un point, peut-être deux. Ouais, deux ans, 2.5, gros maximum si son agent est capable de dealer ça. Ben, si tu veux 2.5, c'est un 3 ans. Ouais, si t'es Bergevin, tu dis 2.5, c'est 3 ans. 2, c'est 2 ans. Ouais. Comme tu veux. Ça, j'aime bien. Puis, tu sais, je pense qu'il peut juste s'améliorer. Non, c'est... Il faut vraiment que tu te débarrasses au moins deux joueurs dans ce qu'on a nommé, parce que sinon, tu iras pas loin, là, puis... Tu sais, comme je dis, mettons Markov, pas mal sûr qu'il va rester. Plekanec, c'est de trouver l'équipe qui va le vouloir. Dernier, hey, Bergevin, t'es mieux d'être un vendeur parce que je suis pas mal sûr que personne veut ça. Même Emeline, je suis pas mal sûr qu'une équipe pourrait être intéressée, honnêtement. Mais encore, là, je pense que c'est là qu'on va voir si Bergevin c'est un bon vendeur. Puis sérieusement, je me calisse de la loyauté, là. Faut qu'il y en ait un qui crisse son camp, pour vrai, là, je suis plus capable. Faut que ça bouge, puis c'est pour ça, là, j'ai hâte. Le Canadien est éliminé, je me fous de la coupe, je veux voir tout de suite le draft puis les échanges. je veux le 1er juillet, là, je veux le draft. Pas juste parce que je déménage, parce que je veux voir ça, moi, les changements. Je vais être sur Twitter toute la journée. Ah, oh, regarde, ça fait une couple d'années, là, que je m'occupe des réseaux sociaux, puis de la mise à jour du danslescoulisses.com pour ces dates-là bien précises, là, puis ça grouille pas mal, là. C'est les grosses journées, mettons. On va probablement faire un show, je vais être en vacances. Yes! Sens. On va faire ça. Donc, moi, ça fait pas mal le tour des trucs que j'avais. As-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Ben, je veux rajouter ça bien vite, là, parce que ça m'est venu en tête tout de suite après. Tu sais, au début de l'émission, j'ai dit qu'il n'y avait aucun leader nécessairement qui s'était manifesté. Il n'y avait pas le capitaine qu'on espérait tant voir en séries éliminatoires, sauf peut-être, et là je change de team, parce qu'avant moi c'était Team Subban, mais de plus en plus, je vais commencer à rentrer dans Team Gallagher. Parce que ce gars-là, malgré qu'il manque peut-être 6 pouces, je pense que c'est peut-être le seul argument qui me gosse, là, parce que ça va faire encore un autre petit capitaine. Mais comme j'ai dit, je mettrai probablement le C sur Gallagher l'année prochaine, juste parce que même s'il est 5 pieds et quelques et qu'il manque le 6 pouces, tabarnane, il est tout le temps dans le trafic, il fait tout, il est tout le temps là, tout le temps, il mange des coups de bâton dans la face. Mais il est pas efficace, c'est ça qui est plate, c'est que oui, on l'aime, c'est le genre de gars qu'à Montréal, c'est le fit parfait là, pour avoir l'amour des partisans, mais soyons francs, il n'y a pas les résultats non plus, là. Côté stats. Là. C'est correct quand même. Écoute, il y a 24 buts, 23 passes pour 47 points. C'est pas le top scoreur. Ben, il y a 5 points en 12 matchs en série. Oui, je veux bien, mais tabarouette, ce gars-là, tu lui mets un gars de 6 pieds 3 là en face, puis il peut rien faire. Même encore là, il est capable de faire de quoi, c'est juste qu'il y a personne pour l'aider à compléter. Là. Mais y a un joueur qui est capable, un bon centre, un bon gros centre avec lui, là. Ben, ta question va donner le C au gros centre. Ouais, ben ça dépend. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que... Non, c'est... Ben, hier, il manque d'efficacité. C'est effectivement. Plate, là. Mais hier, je fabulais. Là. Oh! Bon, parce que c'est de la fabulation totale. Là, mais mettons là, que Pittsburgh veut se débarrasser d'un haut salarié. Là. Genre qui? Là? Genre un gros centre. Ouais, ok. Fais le lien tout seul. Tu t'en vas là, là. tu veux vraiment qu'on jase de ça, là? Non, mais il y avait des rumeurs. Je oui, il y a des rumeurs que Malkin, ouais, ok. Ça a été renié, là, mais quand même. Semblerait-il que le Canadien est dans sa liste limitée d'équipes? Ouais, parce que. Ben, en fait, c'était pas marqué vraiment le Canadien, mais qu'il y a des équipes canadiennes. Ouais. On va commencer. C'est clair qu'il veut pas aller à Edmonton, là. Ben, quoi qu'avec McDavid, ça change tout. Non, mais c'est ça, là. Le marché d'Edmonton est attrayant d'un coup, là. Mais. Non, mais mettons Malkin, là. Ouais. Je pense que je serais prête. Parce que j'ai vu ça sur Facebook, là. Il y a quelqu'un qui avait lâché ça. C'est quoi ton deal? Ah ouais. Mettons que tu mets Galchenyuk dans le deal. Ok. Ouais. Puis t'es capable de passer, genre, un Markov. Non, non. Attends. Hey, wow. 2 secondes. OK. Le temps, il est out, hein? Non, il est encore... il veut encore jouer. Oui, il veut jouer. T'as bien dit. Il veut jouer. S'il joue, il est encore bon. C'est ça, la nuance, c'est va-t-il jouer? Ouais. À la limite, maintenant tu donnes des jeunes au pire. Galchenyuk, ça me tente pas, mais maintenant tu... Galchenyuk, Sherback, ça prend minimum ça. Oh shit. Encore. Ça va te prendre un premier choix aussi. Puis tu penses qu'il voudrait Galchenyuk, Tinordi, puis un choix de première avec André Gatto, maintenant? Non, non, ça va te prendre Sherback. Ah oh, non, je vais pas donner Sherback. Ben là, Tartoua Malkin. Comment? Ouais. Je veux bien, là. Ah, je serais peut-être prêt, toi. Hey, mais même Malkin, là, dans. Hey, imagine si t'es capable de signer un restricted free agent, Tarasenko, pis tu vas te chercher Malkin. Oh, oh, oh, j'ai oh. dit que je fabulais, hein. Oh, oh, oh. Là, je fais fabuler plein de monde qui nous écoute. Hey, ça te ferait un méchant premier trio, là. C'est clair. Match Patchardy serait le moins bon des trois, tu sais. C'est clair. Avoue que tu rêves, là. C'est parce que ça arrivera pas. Je le sais, c'est malade, le contrat de Malkin va prendre. Mais en même temps, tu sais, on niaise avec Tarasenko, là. Si t'es un DG de la Ligue nationale et t'as des balls, là, tu t'essayes, tu sais. Ben c'est clair, même si l'autre t'aime plus, je m'en gâlisse. Ben exactement. En plus, il est dans l'Ouest. Fait que tu sais, à la limite, tu le croises moins dans les parties de DG. Je sais pas comment ça fonctionne, ce club élite-là. À Boca Raton. À Boca Raton, tu tiens de l'autre bord de la table. Là, regarde, si tu veux, lui, il te parle plus. Mais bon, gars, c'est un business. Là. Puis moi, j'ai un club à faire gagner, puis j'ai de l'argent. Mettons, là... Benjamin, il va voir monsieur Molson, là, puis il dit ouais, je ferais cette offre-là. Mais tu sais, avant que la saison commence, tu peux défoncer le plafond tant que tu veux, là. Ah, faut juste que tu t'arranges après. Là. C'est ça. T'sais, tant que tu arrives à journée 1 de la saison, puis tu peux te balancer. C'est ça le problème, c'est que les Blues aussi peuvent faire comme qu'ils veulent. Il n'y a pas de plafond l'été, là, fait qu'ils peuvent le signer, puis après ça, s'arranger pour échanger d'autres choses. Hein, mais tu sais, tu dis hey, Mr. Molson. Je mettrais 8 millions sur un joueur, puis ça va me coûter 3 choix de première ronde. On le fait-tu? Trouves-tu le portefeuille? C'est la question, mais moi, je pense que le propriétaire dirait oui. Est-ce que le DG, il a les bases pour tenter la shot? Je pense que non. Mais c'est qui, vite de même, ce qu'on sait, c'est qui l'agent de Tarasenko? C'est-tu Brisson? Je ne penserais pas. Ah... C'est Brisson, c'est un chummy avec Bergevin. Ouais, ben quand même, business is business. Mais pareil, moi je verrais... C'est Mike Liut, son agent. L'ancien gardien de but, ouais. Je le connais pas. Mais en tout cas, moi, Tarasenko, je le ramène encore parce que je suis sûr que c'est faisable. Si tu t'aimes ça faire chier, man, pis... Mind blowé, ça serait nice. Man, je te déteste. Puis en passant, je fais ma prévision. Là. Anaheim Rangers en finale. Quoique ça pourrait être les Caps, là, mais je suis pas sûr que les Rangers vont finir ça à soir. Puis. J'aimerais ça que ce soit les Caps. Juste pour démontrer à Ovechkin qu'il a bien fait de changer. Ah ouais, ça serait dingue. Mais non, moi tout, j'aimerais ça, mais là, je vais y aller avec ma tête, là, les Rangers puis Anaheim. Et je vote. Oh, oh. Quack. Quack, quack, quack. Quel cri d'équipe le plus merdique ever. Arrête. Hey, c'est pas parce que c'est un film d'enfance que ça devient bon, là. Mets-toi dans la vraie vie, là. Ton coach est en arrière du banc. Là, t'as un time-out, là. T'as 30 secondes, là. Puis ton cri d'équipe en prend 25. Il te reste 5 secondes de plan de match. Ça fait pas de sens, OK? Disney. Oui, je sais bien. Mais je le sais que t'aimes le jersey, en plus. Mais bâtard, ça fait... Quoi? Puis là, tranquillement, la foule embarque. Ah! C'est n'importe quoi. Bon, ben écoute... Faut que j'arrête d'être dans ma tête. On a un commentaire d'un auditeur, Alexandre Girard, qui dit malheureusement, ben ce sera un post-mortem, parce que j'ai dit, ça a l'air qu'il va y avoir un show aujourd'hui, puis on espère que ça sera pas un post-mortem. Et il dit, on a besoin d'un autre marqueur cet été. Et là, point d'interrogation, Al Eberle pour Tinordi, Andrigato, Fukale. Point d'interrogation. Un des deux pour ces trois-là. Moi, je dirais pas non. Moi, je l'essaye. Le problème, c'est que Edmonton ne le voudra pas, là. Ben, tu sais pas. Oh, mais c'est plus l'idiot du village qui contrôle. Ouais, mais c'est peut-être l'ambiance. Il y a peut-être un gaz. Dans c'est dans les marais, man, de la ville, là. C'est l'eau potable, ouais. Comme tu croches. Charlie, il va devenir épais, là, pis il va dire oui. Allez, tu rajoutes un autre petite bebelle, je suis dessus, moi. Hey, Eberle, je dirais pas non. Hall, je sais pas, je l'aime un peu moins, là. Non, moi j'aime mieux Eberle. Ah ouais, ok. Hall, ouais. Oh, il est bon, il est juste. Faut juste qu'il apprenne à mettre un casque dans un warm-up, là. C'est dangereux pour sa face. Si oui, là. Tabarnak! Mais il est fragile aussi. Eberle, je trouve qu'il est peut-être un peu moins fragile. Peut-être. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a les yeux dans la graisse de mine. Il y a un regard de gars qui est tout le temps endormi. C'est peut-être moi, là. Je cherche des photos. Jordan Eberle. On fait ça live, là. Ben, live en différé dans vos oreilles, là. Mais check ça à la face, man. Ben, il y a l'air d'un gars qui vient de se réveiller, là. Mais tout le temps. Mais c'est ça, le problème. C'est quoi sa vision périphérique? Est-tu capable de tout voir avec ses yeux à demi fermés de même? Sûrement. Je sais pas. Il y a toute une face de gars endormi. C'est vrai, sur toutes les photos, il y a la même maudite face. Oh, il y en a qui a des sourires, mais il est un peu creepy quand il sourit. Mais. Eberle, t'as pas le droit de sourire. Non, mais tu sais. Comment une face de gars qui. Ah, oh, man, snooze, 5 minutes encore. Ah, sérieux, on est hors jeu, puis maudit qu'on continue à patiner en zone pareille. Hein? Ah, c'est cool. C'est Eberle contre Tiroidi, Andrigato, Fucale, c'est notre approve, mais je pense pas que ça passe parce que c'est plus l'idiot du village qui contrôle. Quoique, Jerry veut mettre des somnifères dans les. Juste au cas. Ah, mais ça pourrait être pas pire, je sais pas. Là. À la limite, là, tu peux faire. Ah, je sais pas. Plekanec, mets Plekanec dans l'eau. Avec Andrigato Fucale, puis ciao, bye, on n'en parle plus. Ah, Fucale, c'est le temps là, de l'échanger. Des bonnes playoffs, là. Mais encore là. Là, si on parle plus de gestion d'effectifs. Ouais. Le trade, je l'aime. Mais, c'est pas bon pour le plafond. Tino Hardy vaut pas cher. Andrigato vaut pas cher, puis Fucale vaut pas cher. Là, tu vas chercher un gars à 6-7 millions. Tu parlais de Sidney Tarasenko, 8 millions, c'est RFA. Ça aussi, c'est pas bon pour le plafond. Là. Ouais, mais ça, je me fous que ce soit pas bon pour le plafond. Okay? On va s'arranger, après. Ben, on va s'arranger aussi avec Eberle. Là. Ouais, mais je m'arrangerais beaucoup plus avec Tarasenko qu'avec Eberle. Bon, monsieur fait son difficile. Ok, fait que ben c'était ça. Merci Alexandre pour ce questionnement. Puis Eberle, maudite face de grand dormi. Ça fait le tour. Fait que Jerry, où est-ce qu'on te retrouve sur le web? On retrouve sur Facebook, Jerry Godbout. Comme ça, tu vois ma face. En ce moment, c'est la face de Parento qui est un peu déçu. Mais. T'es pas endormi, c'est parfait, c'est correct. Non, c'est ça. Puis sinon, sur Twitter, @Godbout25. Je suis aussi sur d'autres projets avec deux de mes amis, Simon et William, sur les geeks qui sont parmi nous. Donc, un autre podcast à thématique geek où on parle de plein de trucs en étant super sérieux. oui, c'est ça, exact. Sinon, j'apparais aussi dans le podcast Sega Maloon. Je sais que ça fait un méchant bout que je suis pas apparu, mais contre-temps qui fait que les deux, on n'a pas le temps d'enregistrer, même si c'est des petites capsules de 20 minutes. Des rumeurs, voyons donc, c'est pas Donc, j'apparais aussi justement dans le podcast Sega Maloon sur des petites chroniques mensuelles, bimensuelles, autres. Une fois de temps en temps. À un moment donné. C'est ça, pour des ondes fanfilms, ce qu'on parle dans le fond de fanfilms, des films faits par des femmes. Ça le dit dans le titre. C'est ouais. Merveilleux. C'est ça, là. Puis toi, sur les internets. Je me demande encore pourquoi tu l'expliques, là. Ça le ouais, dit ben, c'est juste au cas où, tu sais. Ben, j'anime un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée. C'est un show un petit peu à la même thématique que les geeks sont parmi nous. Donc, geeks, jeux vidéo, cinéma, film, super-héros, zombies. À suivre dans le prochain show. Oh, tease! Et ça, c'est avec mes comparses Daniel Carosella et Luc Desormeaux. Sinon, ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais gagner sur Facebook, @gangj_b, sur Twitter. Sinon, ben, la réalité augmentée, @realitéhog, sur Twitter et hors-jeu. Et sur Facebook, cherchez réalité augmentée, là, vous allez nous trouver, c'est pas trop compliqué. Hors-jeu, ben, @hors-jeu. Podcast sur Twitter et facebook.com/hors-jeu podcast pour pouvoir nous retrouver là-dessus. Venez jaser, On a tout le temps du fun. On a plein de plaisir. Puis des fois, on est en tabarnak après le Canadien. Genre comme un peu aujourd'hui. Genre hier. J'étais moins en tabarnak au début. Ça a remonté. T'as rebaissé ça. Puis là, ben, ça a remonté. Je suis fru. T'as recommencé à être fru? Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, compte-moi ça. Là. Ben, il faut qu'il sorte des vidanges. Là. Ça commence à puer. On a donné toutes les solutions à Marc Bergevin. Il suffit qu'il mette en application. C'est ça qui est le fun avec hors-jeu. On est comme proactif. Tu enverras le MP3 après. On n'est pas rien qu'en train de spéculer et de dire de la merde. Non. On dit les vraies affaires puis c'est ça qui va se passer. Soyez-en avertis. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de l'émission. Merci d'avoir été du rendez-vous. Merci, Jerry. Hey, merci, Jubé. Tout le temps un plaisir. C'est quand le prochain? Là? On fait ça autour du draft? Ah, peut-être un peu avant, peut-être après la finale de la Coupe. Là, ah, okay. Là, on pourrait parler de... Ben, moi, je vais sûrement regarder la série finale, fait que on verra rendu là. Cool. Fait que on s'en revoit quelque part à un moment donné, d'ici un coup de temps, là. Quand on veut. C'est tellement pas précis. J'aime ça de même. À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là pour le jeu. Bye! Ciao, là! Hey, c'est vrai qu'Everly a l'air d'un vrai... Est-ce qu'il a de l'air endormi tout le temps, hein? Ben, en fait, je voulais dire qu'il avait l'air d'un poteux un peu, là. Ah, mais je suis fin, là. Est-ce qu'il a pas de l'air d'être là? Pour vrai, il a l'air de faire comme... Ah, Chris, donne-moi une autre 10 minutes de snooze. Hein. Ah. Ouais. Mais c'est cool, pareil. Mais t'as raison, cool, pour vrai. Ça arrivera pas. Non, je sais que ça arrivera pas. Elle dit tout de suite, là, ça arrivera pas. Ah... J'ai le droit de rêver pareil. En même temps, faut que le gars, tu sais, c'est bien beau proposer un contrat, mais faut que le gars, il accepte le contrat avec toi. Là. Ah, c'est sûr. C'est pas juste, je te donne de l'argent. Ah, pour vrai, ce gars-là va signer là, à Saint-Louis, puis il va genre demander 9,5 millions par année. Là. Mais c'est ça, tu sais, t'attends qu'il négocie un peu, là, il va demander 9,5. L'équipe va faire comme, je te donnerai plus 7. Il va faire comme 7, c'est de la merde. Le Canadien arrive avec 8,5, puis fait comme, ok, c'est bien mieux que 7. Là, on fait comme, bang, merci, bonsoir. Mais en même temps, ça arrivera pas. Ouais, mais on s'entend que Saint-Louis vont faire ah, c'est bon, on va y aller avec le 8.5. Chris, ils vont égaliser, là, c'est clair. Là. Peu importe l'offre, c'est sûr qu'ils égalisent. Ils prendront pas le risque de ramasser 3 choix de première ronde lointains. Ah, surtout que le Canadien va être assez haut pour ben un. Ah oui, c'est ça, ça arrivera pas. Ah. Ah, j'ai déjà hâte que ça finisse. Les playoffs? Ouais. Ben pourquoi? Ben, pour avoir tout le... Est-ce qu'on perd de l'intérêt au Québec, hein? Non, mais je vais aimer ça, sauf que c'est parce que vu que je suis plus le Canadien, je vais avoir hâte de voir genre le draft, les échanges, puis toutes les rumeurs entourant ça, là. Faut que je retrouve. C'est Influence Communication qui font ils font de l'étude des médias, genre de la couverture médiatique, puis tout. Puis, à un moment donné, ils disaient au Québec... quand le Canadien est éliminé, c'est 66% des gens qui arrêtent de suivre le hockey. Tandis que, mettons, à Edmonton, une fois que le club est éliminé, c'est 33%. Ça veut donc dire qu'à Edmonton, il y a plus de monde qui tripe vraiment sur le hockey et non pas juste sur leur club qu'au Québec. C'est fou pareil, là. Qu'est-ce oui. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment frappé. Tu sais, on dit « Ah, on aime le hockey à Montréal. » Non, on aime le Canadien. Là. Ouais, ben moi, avant, j'étais crissement de même pour rire. J'étais genre un fan, mais genre que du Canadien. Hein. Je pouvais quasiment répondre à n'importe quoi. Hein. Puis à Star, je suis comme plus Ligue nationale. Hein. C'est juste... Tu sais, je perds pas l'intérêt. C'est juste qu'on s'entend que je vais plus regarder une game d'hockey du Canadien que regarder une game d'hockey des autres équipes. Mais je me renseigne tout le temps de tout. Hein. Ouais. Moi, c'est tu sais, d'un, j'écoute les games souvent en radio, là, comme je dis tout le temps, sauf que, ouais. Tu sais, après ça, là, il n'y a plus à radio, là, faut que je me plug, là, puis, tu sais, j'ai pas le câble, là, fait que, tu sais, faut que je fasse un effort pour aller chercher la game, c'est pas évident, là. Tandis que le Canadien, c'est tellement facile, tu l'as, puis merci, bonsoir, là, c'est comme plus simple à avoir accès, là. Ouais. En tout cas, c'est moi, personnellement, là. Non, c'est sûr. Man, je mets-tu ce petit bout-là en bonus? Ok, t'enregistres encore? Ben, ouais. Tant qu'on jase encore de hockey. Si tu veux, vu que c'est un post-mortem. Ouais, c'est un post-mortem. Genre, bonus. Tu mets la musique, Ouais, super loin. Là. Je vais aller remplir le bilan du Canadien. Ouais. RDS. Note de marde pour tout le monde. Ah, pas mal sûr que... Et le pire, c'est que, tu sais, John Cooper, il disait ça avant série. Quoi, le Canadien dit qu'ils sont les négligés? Ben, c'est parce qu'ils ont, tu sais, probablement gagnant du Hart, Vezina, un candidat Norris, puis, tu sais, nous autres, on n'a pas ça, là. Mais en même temps, collectivement, l'équipe est pas mal plus, pas mal mieux constituée, là. Hey, c'est fou, bon, parce que quand t'es rempli, tu vois le pourcentage, là. Ouais. Carey Price, 87% bon, 13% pas bon. Ben voyons non. Ah ouais. C'est où? Attends un peu. Faut que tu me donnes le lien. C'est... On fait ça live ensemble, tous les deux, on rentre les notes. Je t'envoie ça. Donne-moi ça. Ah ouais. Et voilà. OK. Bilan canadien. Ça load. C'est... Okay. C'est plus ou moins. Maintenant. OK, plus. Bon, Price, c'est plus. Right? Ben, moi, j'ai fait ça. Bon. Subban, plus. Ouais. Là, ça, c'est le bilan des séries. Hein? C'est ça? C'est pas, ouais. Pas la saison. Non, Marca, je pense que c'est un moins. Check le pourcentage. Oh! Ben, voyons donc. 59% dans le moins, 41% dans le plus. Tu vois où ils ont pas compris? Chris, non. Hein? Même Emeline, je comprends pas. Mais je comprends pas non plus les votes. Pourquoi qu'il y a 802 votes à Price, 878 à Piquet, puis 868 à Markov. Chris, le monde, ils font pas tous les votes. Je sais pas. Ils en sautent. Ah non, toi, je te vote pas. OK. Emeline, c'est un moins. 55-45. Voyons donc. Ben, voyons donc. Man, soit c'est nous autres qui est complètement dans le champ, puis eux autres, ils ont totalement raison, ou c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est l'inverse. Alors, mais pour vrai, là, c'est... Petrie, c'est un plus. Bon, c'est un plus pour tout le monde. 80%, 20%. Plex, c'est un moins. Ça, c'est un moins. 70%, man. Un moins. Paturity, c'est ordinaire, un moins. Chris, il y a eu un 67%. Voyons donc. Ouais. Ça, c'est souvent pour flexion numéro, ça. C'est vrai, hein? Gallagher, tu as donné quoi? J'ai mis plus. Ouais, un plus. Parce qu'il voulait, là. C'est juste qu'il m'a dit. 91% en plus. C'est bon, ça. À date, c'est lui qui a mis un note. Ouais. Galchenyuk, moins. Ouais. 59% en moins, c'est bon. Dernier, c'est un moins. Lui, man, ça me fait capoter. Tabarnak! Ça mérite un tabarnak! Moi, pour Tom Gilbert, j'y mets un plus parce que je trouvais qu'il était quand même correct. Ouais, mais attends un peu, je suis pas rendu là. 53% négatif, 47% positif pour Dernier. Ciboire, lâchez le fait que c'est un Québécois, là. Ouais, il était invisible dans cette série-là. OK. Tom Gilbert, c'est un plus. Ouais. 50-50. Oh! Lui, le monde n'est pas sûr. Ouais, hein? Lars Seller, c'est un plus. J'ai mis plus, puis regarde ça. Oh! 47% en plus, 53% en moins. Pio Parento, c'est un moins, 6 points. Ouais, puis ça, regarde ça, là. Je suis sûr que c'est juste à cause de son but. Ben, voyons, donc 49% pour, 51% contre. Prost, c'est un moins. Ben, voyons donc. Ouais. Beaulieu, j'y mets un plus. Note. Beaulieu, c'est un plus. Il n'a pas beaucoup joué, bon. 64, ouais, mais le temps qu'il était là, c'est un plus. Hein. Ouais. Delouis, c'est un plus. Ah, ils sont échappés, là. Hier, là. Mais en même temps, c'est un gars de quatrième trio. Tout ce qu'il te donne en termes de production offensive, c'est un bonus. Moi, je le vois de même, là, en tout cas, là, mais toi, t'as eu un moins, là. Ouais. Fait que t'es dans le champ, selon le peuple. 62% pour, 38% moins. Torrey Mitchell, c'est un moins, ça, bâtard. Ah, voyons donc, 59% pour. Smith Pelly? Moi, j'ai mis moins. Moi aussi, c'est un moins. Mais s'il aurait continué comme qu'il a fait à Ottawa, ça aurait été peut-être un plus. 57% négatif. Et De La Rose, moi, c'est un plus. J'ai bien aimé. C'était correct. 55. Ouais. C'est bon. Fait que le peuple, des fois... Des fois. Des notes qui sont pas sûres. Tu vois que c'est... Tu sais, Galchenyuk, Dernier, là, on s'entend là, que tu peux pas avoir 59% négatif pour Galchenyuk puis 53% pour Dernier, là. Hein? Dernier était bien plus invisible que Galchenyuk, là. Chris, oui. Malgré tout, là, pas la haine, là, mais tout le fait que je t'en maudis après ses performances puis que j'ai hâte qu'il y ait clos pour de vrai, là. Malgré tout ça, il est quand même moins pire que Dernier, là. Ouais, non, ben dernier. Dernier! Dernier, j'ai de la misère. C'est... Un autre qui a pas. C'est un non-facteur. Comme je disais dans le show après la série contre Ottawa, c'est un non-facteur. Après que le concierge de l'équipe, parce qu'on s'en calisse. Ben moi, je. Tu sais, il y a l'expertise. Là. Moi, je pense qu'il devrait taper bâton. C'est lui qui serait, le, serait bien placé pour ça. Il pourrait taper bâton. Il sait comment c'est la game. Tu sais, c'est où que ça prend plus de tape. Eh non, Chris, mettez-moi ça dehors. Ah, c'est, ça fait partie des vidanges qu'il faut sortir. Fausse analyse. Je trouve ça drôle qu'il y a 5000 j'aime sur Facebook, mais qu'il y a juste 800 personnes environ qui ont commandé, qui ont fait le truc par truc. Et, oh, autre observation intéressante, quel joueur qui a le plus de votes? Je sais pas, je viens de fermer la page. PA Parenteau avec 949 votes. Puis les autres sont tous entre 800 et 850, genre. Je comprends pas. Fuck, man. Le monde, il y avait vraiment de la hargne envers Parenteau. Ouais, ils vont aller cliquer. En tout cas, bon, écoute, on se laisse. Bonne journée, Jerry. On va aller faire le montage. Toi aussi, puis on se retrouve bientôt. Yes. Salut, là. Ciao.